yeux bleus, très pétillants. Elle a 20 ans, et tout pour plaire, cette jeune femme me ronge le sang. On se dit tout juste bonjour, bonjour. Un petit sourire et tout s'en va. Tout sauf moi, car toi tu cours vers tes amis qui sont là-bas. Tu ne vois même pas qu'au fond de mes yeux reflète l'envie de me faire aimer. Oh oui, princesse, si tu le veux, nous pourrions nous envoler, main dans la main, toucher les cieux et en secret nous en. Quand je te vois avec cette bande, je voudrais mourir rien que pour ça. Comment pourrais-je te faire comprendre ce sentiment que j'ai pour toi? Tu vois en moi tout simplement un musicien, ni plus ni moins. Mais écoute bien cette chanson, j'ai fait pour toi ce doux refrain. Tu ne vois même pas qu'au fond de mes yeux reflète l'envie de te faire aimer. Oh oui, princesse, si tu le veux, nous pourrions. Je les fixe, tout devient flou de ma vie.